Il n'y a pas plus beau mandat que celui de maire. On me propose d'être ministre. T'hésites ? Finalement, je te croyais différent des autres, mais t'es prête à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir. Les promesses, un thriller politique de Thomas Kruithof. Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins, je te demande juste de lui faire confiance un peu. L'engagement d'une femme politique, maire d'une commune de banlieue, tiraillée entre son envie de tenir ses promesses et son ambition personnelle. Donc je suis honnête, mais je mens. Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge. Avec Isabelle Huppert et Reda Kateb, Les promesses, actuellement au cinéma. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le scandale de la grande bouffe, une belle recette pour un mets, disons, sensible. Prenez un réalisateur italien réputé pour son cinéma subversif, ajoutez-y une poignée d'acteurs géniaux, saupoudrez d'une pincée de sexe, de plusieurs cuillères de scatologie et d'un brin de goinfrerie, mélangez sur une bobine de 35 mm et déposez le tout sous le soleil cannois. Vous obtiendrez le scandale de la grande bouffe, l'orgie cinématographique de Marco Ferreri qui secoue le Festival de Cannes et la France en mai 1973. Et encore, secouer, le mot est faible, tant le film divise. Le suicide gastronomique et collectif de quatre bourgeois provoque ce que certains appelleront le scandale de la décennie. Et deux camps se font face. D'un côté, on crie au génie, de l'autre, à l'obscène. Et comme souvent au printemps, quand la croisette attrape froid, c'est la France entière qui est enrhumée. Alors, dans la foulée du festival, la grande bouffe devient le passage obligé de toute conversation. Et la rumeur court. T'as vu la grande bouffe ? Alors, il faut faire son choix. Pour ou contre, prendre position devient une nécessité sociale. Et pendant ce temps, Marco Ferreri savoure. Son cinéma qui bouscule, dérange, inquiète, vient de réussir un grand coup. Il a touché physiquement le spectateur. Notre invité aujourd'hui, Jean Gilly, critique et historien du cinéma italien, directeur du Festival du cinéma italien d'Annecy. Son dernier ouvrage s'intitule « Luciano Visconti et la critique française », publié aux éditions de l'Amandier en 2014. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyen et Jérôme Chélius. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Madrid, 1956. C'est quelque part dans la capitale espagnole qu'un jeune vendeur d'instruments d'optique italien rencontre un journaliste et écrivain espagnol. Un événement qui change considérablement la vie des deux hommes. Le premier, c'est Marco Ferreri, trentenaire milanais, qui a quitté l'Italie quelques années auparavant. Là-bas, il a un peu travaillé comme producteur cinéma autour des figures majeures du néo-réalisme italien. Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Alberto Lattuada. À Rome, il côtoie l'ébullition artistique de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'écrivain espagnol, c'est Rafael Azcona. Les deux hommes s'entendent rapidement. Marco Ferreri le convainc d'écrire des scénarios à partir de ses nouvelles. Ils se retrouvent autour d'une même envie de bousculer l'ordre établi, les conventions et les institutions à coups d'humour noir et de satire. L'Italien passe derrière la caméra, les premiers films de Marco Ferreri seront donc espagnols. De retour en Italie, le cinéaste réalise une série de films qui assoient très vite sa réputation de provocateur. Le lit conjugal ou Break Up, entre autres. En 1963, il provoque avec le film Le mari de la femme à barbe. Puis il se tourne vers la France, rencontre Michel Piccoli, avec lequel il tourne plusieurs films, Dillinger est mort, L'audience, Lisa. Ses œuvres sont toujours des échecs commerciaux cuisants. Mais la critique, elle, le suit. À coup d'humour noir, son cinéma réussit à capter le désespoir d'une génération. Une forme de nihilisme traverse son art. Et en 1973, il peaufine un film qui englobe et pousse à l'extrême toutes ses interrogations et obsessions. La grande bouffe. L'histoire d'un suicide collectif par surnutrition. Le film du scandale et le scandale du film. Marco Ferreri a toujours dit qu'un cinéma fonctionne lorsqu'il colle à son époque. Alors il applique la recette et tend le miroir grossissant et obscène des sociétés occidentales du début des années 1970, puissante métaphore. En France, le pompidolisme finissant tente vainement de maintenir un ordre moral archaïque. 5 ans après mai 1968, on essaie de limiter la casse, de cacher sous le tapis les aspirations d'une génération qui demande au cinéma plus de vérité. En 1972, un Italien déjà, Bernardo Bertolucci, avait créé la polémique avec Le Dernier Tango à Paris. Un an plus tard, Marco Ferreri enfonce le clou avec La Grande Bouffe. Mais rembobinons. Comment naît ce 14e long métrage du cinéaste italien? Pourquoi ce film? Action, moteur, on tourne. Moi, je suis Marco Ferreri. Et comme travail, j'ai fait le metteur en scène du cinéma. Je suis italien. J'ai étudié pour devenir vétérinaire. Et je suis devenu un monsieur qui compte des histoires avec le cinéma. Dans son livre « Dialogue égoïste », Michel Piccoli revient sur la naissance du projet. Avant la grande bouffe, strictement personne en France ne voulait plus parier un centime sur Marco Ferreri, dit-il. Pour monter ce film de la dernière chance, il fallait un producteur fou mais viscéralement attaché à la création cinématographique. Un producteur et des comédiens vedettes dont la présence rassurerait en partie les hommes d'argent. Ce producteur fou, c'est Jean-Pierre Rassam. Au début des années 70, il est un professionnel reconnu qui réussit à concilier succès au box-office et auteurs exigeants, non sans un certain sens du bluff et de la publicité d'ailleurs. Il propose donc à Marco Ferreri de produire son prochain film. De son côté, le cinéaste italien a une idée qui lui trotte dans la tête depuis quelque temps. En compagnie des frères Sard, le producteur Alain et le compositeur Philippe, ils organisent régulièrement des concours de pâtes et des grands dîners. Au cours de l'un d'eux, ils discutent d'un projet un peu fou. Faire un film sur la nourriture et l'acte de manger. Au détour de l'interview, Marco Ferreri revient sur le choix de ce sujet. C'est un peu toujours dans mes films. Il y a toujours des gens qui mangent, toujours des gens... Et je pensais que c'était le moment de faire un film physiologique sur les nécessités physiologiques de l'homme, sur la bouffe, sur l'amour, sur le sueur, sur la mort. Alors c'est pour ça qu'il est né la grande bouffe. Le projet démarre. À l'écriture, son compagnon de toujours, Raphaël Ascona. Au dialogue, le comédien Francis Blanche. À la musique, le compositeur Philippe Sard. Aux cuisines, poste plus qu'essentiel, vu le sujet, tous les plats sont préparés par Fauchon. Et le casting? Ah, le casting! Il est tout simplement exceptionnel. Dans le rôle des quatre hommes, le cinéaste réunit à convaincre deux Italiens et deux Français, et pas des moindres. D'abord Marcello Mastroianni, la star italienne, ensuite Ugo Tognazzi. Côté français, il retrouve Michel Piccoli, comme diraient les Italiens. Nous, on dira Piccoli, comme tout le monde. Ces trois acteurs ont déjà tourné sous la direction de Ferreri. Enfin, un acteur avec lequel il n'a jamais collaboré, Philippe Noiret, français de France. Une jeune femme complète le casting, c'est Andrea Ferréol, comédienne peu connue, que le public découvre à cette occasion. Ce sera la révélation du film. L'aura et l'image des quatre acteurs principaux jouent un rôle essentiel dans le montage financier du film. Ces comédiens sont au sommet. Les réunir était un tour de force. Et tous acceptent, attirés par le scénario et l'esprit de troupe. Et puis ils ont beaucoup d'estime pour le travail de Marco Ferreri. Alors le tournage commence. Michel Piccoli en parle lors de l'interview avec Pierre Tchernia. Et déjà, l'acteur prend un malin plaisir à évoquer ce projet qui sent le soufre. Et alors vous tournez en ce moment un autre film qui est encore totalement différent. C'est le film de Ferreri. Oui, il s'appelle La Grande Bouffe. C'est un titre rablaisien, ça. C'est un titre rablaisien. C'est l'histoire de quatre individus qui ont décidé de se suicider. Enfin, ces quatre personnages, eux, décident de se suicider par la bouffe. La bouffe et la gastronomie. Et alors, vous mangez pendant tout le film? Nous mangeons pendant tout le film et nous mourrons à tour de rôle. De goinfrerie. Ne prononcez pas ce mot de goinfrerie, car déjà, par la commission de contrôle, nous avons une alerte en disant qu'il y a trop de goinfrerie dans le film et qu'il ne faudrait pas aller trop loin. Mais comme nous irons trop loin, enfin, la goinfrerie est quand même moins dangereuse que la politique. Au départ, le tournage se déroule de manière studieuse et professionnelle. Le scénario est suivi à la lettre, mais petit à petit, la situation évolue. Les quatre comédiens se sentent de plus en plus à l'aise dans leur rôle, et Marco Ferreri est à l'écoute de leurs propositions. Alors le film se réinvente, certaines séquences sont supprimées, d'autres ajoutées, improvisées, l'ordre des scènes est bouleversé. Une fois le film monté, vient le premier visionnage privé. Et là, surprise, les deux hommes sont étonnés. Ils pensaient faire un film drôle, typique de l'humour noir de Marco Ferreri. En réalité, le résultat est terrifiant, bouleversant. Mais ce film, justement, à quoi ressemble-t-il? La grande bouffe s'ouvre sur la présentation des quatre personnages. Chacun porte le prénom de l'acteur qu'il incarne. Dès le départ, Marco Ferreri nous fait comprendre qu'il s'agit de notables bourgeois. Ugo Tognazzi joue le rôle d'un riche restaurateur, Michel Piccoli un homme de médias un peu précieux, Marcello Mastroianni un pilote d'avion et Philippe Noiret un magistrat. Nos quatre hommes se retrouvent dans un vieux château du 16e arrondissement, propriété de Philippe, pour un week-end, semble-t-il, hédoniste et gastronomique. C'est le point de départ du huis clos. Dès les premières séquences, la nourriture est présente. Tiens, goûte ça, toi. Oui, merci. Tu veux du boudin? Non, merci. Tu viens toujours de chez toi, le vin? Bien. Bien sûr. Tu veux du boudin? Non, merci. Où il y a le fromage? Là. Okay. Tu veux pas de boudin? Mmh. Non, merci. Personne ne veut mon boudin. Ah. Marcello! Tu veux du boudin? Marcello! Les amis te réclament! Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encas de bienvenue. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Mais l'atmosphère est pesante. Quelque chose se trame et le spectateur sent la tension monter. Le décor rococo de la maison, l'absurdité des dialogues et des situations participent de cette angoisse lentement distillée. Un procédé, entre autres, joue ce rôle, c'est celui de la répétition. Oui, le récit se déploie sur plusieurs jours, comme une spirale. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. La musique, petite ritournelle, reprise par moments au piano par les acteurs, accentue ce sentiment. Énumération, répétition et absurde scandent la première partie. Et les premières flatulences arrivent. Comme c'est amusant de découper 5 agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Un bon cuisinier peut faire ça, un c'est de la bonne viande. Bravo. Ah, toujours dans la frivolité, toi, et nous, le gros du travail. To be! Are not to be! Ne sois pas vulgaire, Hugo. That is the question. La fête commence. Pardon. La fête commence. Le visage terrifié en gros plan de Marcello Mastroianni au moment de prononcer cette phrase témoigne de ce qui guette. Une menace plane sur les personnages qui oscillent entre plaisir culinaire et inquiétude manifeste. Alors la mécanique se met en place. C'est le temps des premiers repas autour de plats plus goûteux les uns que les autres. Au début, ils dégustent, puis rapidement ils se goinfrent. Concours d'huîtres, plats, traits de pâtes, succession de viandes, gâteaux gigantesques. Il décide alors de convier les femmes, 3 prostituées et une institutrice jouée par Andrea Ferréol. Pendant plusieurs jours, ils s'adonnent au sexe et à la bouffe. Les 2 se mêlent, on fait l'amour sur une pâte à tarte, on se lance de la nourriture, les scènes de sexe sont crues, fellation, masturbation, coït. Un peu partout, dans une voiture, dans un coin de la maison, aux yeux de tous, les partenaires s'échangent. Vient le temps des premiers symptômes, notamment à travers le personnage de Michel Piccoli, pris de flatulences aiguës. Le son est amplifié jusqu'au grotesque. L'objectif final, c'est la mort. Il se dévoile clairement. Ils vont tous en crever, alors. Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Je pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien. Et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si, tu as très faim. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez. Tu y as pensé? Et alors? Mange encore. Mange encore, mon petit Michel. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Tu vas pas mourir. Le film est alors tout entier tourné vers une fin inéluctable. Les aliments sont à présent ingurgités dans la douleur. Le sexe, lui, s'évanouit, les prostituées s'en vont, seule reste l'institutrice. Tour à tour, les personnages meurent avec fracas. Deux morts en particulier marquent les esprits, celle d'Hugo, dans un double geste de masturbation et de gavage, et celle de Michel, qui au bout d'une sempiternelle et énorme série de flatulences, entre la petite musique qu'il joue au piano et les rires de ses amis, explose littéralement de l'intérieur et finit affalé dans ses excréments. Joue bien Marcello. Presque aussi bien que Michel. Germe. Sur la bobine, le réalisateur italien vient de fixer les motifs d'une ultime provocation. Vulgarité, sexe, obscénité, décadence, tout est montré. Il voulait un film physiologique. Ce film, c'est aussi l'affirmation d'un nihilisme total, une sentence terrible pour toute une génération et une époque, le désespoir total de ces bourgeois qui meurent de leur abondance. Piggies, comme le chantaient les Beatles en 1968. Peut-être d'ailleurs les paroles de George Harrison ont-elles influencé Ferreri. Il n'en fallait pas plus pour que le scandale éclate. Et comme tout scandale cinématographique qui se respecte, il aura lieu à Cannes, où chacun le sait, il n'y a jamais de soirée opulente et décadente. Hai la casa col tetto dipinto di blu e un giardino fiorito. Che cosa vuoi più? Il mattino ti sveglia col gallo e il caffè ed il giorno comincia a vivere con te. Non crucciarti se hai qualche chilo di più. A qualcuno vai bene così come sei. Non crearti problemi, l'amore verrà quando meno l'aspetti. La bocca piena, non tenere sempre il cuore in pena, se sorridi sei più bella e di resto poi verrà, vedrai che poi verrà. Piena, non tenere sempre il cuore in pena, se sorridi sei più bella e di resto poi verrà, vedrai che poi verrà. Non cercare lontano la felicità, se ti guardi d'attorno in fondo l'hai già. Quello che hai, se non vuoi ritrovarti davvero in mezzo ai guai. Comme chaque année depuis 1946, la grande et riche famille du cinéma se retrouve sur la croisette. Fast, luxe et paillettes se pressent sur le tapis rouge. Mais en cette année 1973, une rumeur gagne le bord de mer. La sélection française serait scandaleuse. En effet, elle l'est. En 1972, les films qui représentaient la France n'étaient pas à la hauteur. Alors, les organisateurs ont décidé de frapper un grand coup. Cette année, en 73, ils ont sélectionné deux films hors normes, La maman et la putain de Jean Eustache et La grande bouffe de Marco Ferreri. Et ce qui devait arriver, arrive. Les deux films créent la polémique et le scandale. Celui de Jean Eustache d'abord, conversation de plus de 3h30 dans un langage cru où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est le témoignage d'une époque, celle des illusions perdues de la jeunesse post-68arde. La grande bouffe ensuite, qui avant même la projection s'accompagne d'une réputation sulfureuse. Des rumeurs scabreuses courent sur le tournage. Et puis l'affiche de Reiser, petit dessin représentant quatre hommes attablés de dos et nus, servis par une femme elle aussi nue, intrigue ou choc a priori. Alors on interroge Ferreri. Marco Ferreri a accepté que son film soit en compétition. Est-ce que cette acceptation n'était pas une sorte de provocation, Marco Ferreri ? Provocation pour quoi ? Provocation vers qui ? Vis-à-vis des spectateurs qui seront demain soir dans la salle et qui envisagent déjà de manifester sans savoir exactement à quoi ils assisteront. Je ne veux pas provoquer. J'ai fait des métiers les metteurs en scène. Et comme metteur en scène, je compte des histoires. Cette fois, c'est la voix de la grande bouffe. Mais je ne parle pas, je dis, oh, maintenant je veux provoquer. Mais vous avez tout de même un naturel depuis Colchicito, El Colchicito, qui était un merveilleux film avec beaucoup d'humour. Vous êtes tout de même extraordinairement pessimiste quant au devenir de la nature humaine et de ses possibilités. Vous ne voyez pas les humains très jolis, très idéaux, plein d'idéalisme. Non, moi, je ne suis pas pessimiste sur la nature humaine. Je suis pessimiste sur la société dans laquelle ils vivent et habitent cet être humain. C'est différent. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de société. Pas d'individu, mais pas de la société. Je pense, je suis pessimiste sur la société, pas sur les individus. Le fait que le film soit inscrit dans la sélection française pose problème à certains. Au moment de l'ouverture du festival, Carlo Rim, président de la Fédération internationale des auteurs de films et membre du conseil d'administration du festival, rend public dans le journal Nice Matin les délibérations pour le vote des films à sélectionner. Alors il dénonce l'absurdité de la présence du film de Marco Ferreri parmi les films français. Et surtout, il critique vivement les choix d'Andreas Stou, le directeur de la cinématographie. Celui-ci s'indigne que de telles informations soient publiées. Il réaffirme la nécessité de tels choix et rappelle que La Grande Bouffe, en tant que production française, a toutes les raisons de figurer parmi les Français sélectionnés. La nationalité italienne de Marco Ferreri ne manque pas de revenir à chaque interview. Mais le metteur en scène réplique. Bon, alors La Grande Bouffe, parce qu'il s'agit de La Grande Bouffe, qui va ce soir faire une grosse sensation au festival. La Grande Bouffe est un film français de Marco Ferreri, italien. Qui est italien, mais qui a réalisé aussi des films espagnols. Alors, je vais demander à Marco Ferreri pourquoi ce film est-il français. Les moyens sont toujours très modernes. La télévision, et vous parlez toujours avec un langage très vieux. Je ne sais pas pourquoi on doit parler maintenant des Français, Italiens, Espagnols, quand on parle des marchés communs, quand on parle d'une Europe commune. C'est toujours le langage que c'est vieux, amusant, mais vieux. Il y a un film, je suis metteur en scène, j'ai fait un film. Peut-être qu'ils sont trompés, comme maintenant on parle français, Italie ou espagnol, tout ça. Je pense qu'on doit parler des films. Le scandale couve, d'autant plus que la projection arrive à grands pas. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Comme souvent à Cannes, une première projection a lieu dans l'après-midi en présence de la presse, puis elle est suivie d'une conférence. Cette séance se passe plutôt bien, la conférence de presse beaucoup moins. Les critiques désarmées par le film cherchent des explications, avancent des interprétations. Marco Ferreri campe sur ses positions. C'est un film physiologiste, pas philosophique, et il s'emporte contre cette habitude de la critique à toujours tenter de tout expliquer. Alors la conférence dégénère. Dans la mesure où vous avez dit au cours de l'interview précédente... J'ai pas dit ça. Ça l'a dit un monsieur qui l'a mettu dans la page. Vous avez dit que votre film était contre la société de consommation. Bon. Donc votre film a des prétentions politiques et vous venez de le nier en disant « Je fais uniquement des images ». Pour faire de la contre-consommation, contre la société de consommation, alors je t'ai dit qu'il y a des prétentions écologiques. Qu'est-ce que tu me dis? Et alors? Vous pouvez pas le nier. J'ai dit contre, j'ai de dire frère. Mais si tu veux que j'ai dit contre la société de consommation, c'est une prétention écologique. D'accord. Comme tu dis que j'ai dit, alors j'ai dit que c'est un film écologique. Mais la consommation a toujours existé, l'ami. Puis vient la projection du soir. La tension est à son comble. La Croisette ne parle que de ça. Les critiques, depuis l'après-midi, commencent à se passer le mot. Ils débattent. Le scandale est presque à point, prêt à être servi. L'équipe du film sait pertinemment que son œuvre va choquer. Alors ils sont tous là. Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret et Ugo Tognazzi. Dans les interviews, ces figures charismatiques accompagnent toujours leur metteur en scène, comme pour le protéger. S'ils sont là, c'est qu'ils cautionnent ce film et qu'ils sont venus le défendre. Le soir de la projection, Marcello Mastroianni arrive au bras de Catherine Deneuve. Michel Piccoli est accompagné de Juliette Gréco. Les smokings sont de sortie. Le rideau tombe, la salle s'obscurcit, l'écran s'illumine. Aux premières flatulences, des murmures commencent à monter des gradins. Puis vient le temps des excréments et des scènes de sexe. « Vous n'avez plus qu'à nous pisser dessus maintenant !» s'exclame un spectateur. Les lumières se rallument, le scandale explose. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça. Sur le dos du pauvre Populo. Oui, madame. Sous les mouvements divers, comme l'on dit, M. André Astou, le patron du cinéma français, a congratulé les acteurs, dont deux, Marcello Mastroianni et Michel Piccoli, accompagnés et réconfortés par leurs dames, Catherine Deneuve et Juliette Gréco. Applaudissements et huées s'entremêlent, certains lancent des insultes, d'autres crachent sur les acteurs. En hauteur, Marco Ferri est aux anges. Il arbore son plus large sourire et salue la foule, lui lance des baisers dans un mouvement de bras. Mais comme souvent à Cannes, la polémique s'amplifie avec les retours des critiques de cinéma. Dans la nuit, les critiques se mettent au travail, plus acharnés que jamais. Quelque chose s'est passé, ils doivent forcément prendre position. Dans les couloirs, il se murmure que la présidente du jury, Ingrid Bergman, aurait déclaré « regrettable que la France ait cru devoir se faire représenter par ces deux films les plus sordides et les plus vulgaires du festival ». Paris Match titre « voir la grande bouffe et vomir, ambiance ». Le lendemain, les articles sont publiés, cristallisent la polémique. Les mots sont durs, violents, la plume acérée, le style aiguisé. Premier tour d'horizon, voici ce qu'écrit, par exemple, Claude-Marie Trémois, de Télérama. Obscène et scatologique, d'une complaisance à faire vomir. Ce film est celui d'un malade, ou d'un homme qui méprise tellement les spectateurs que l'on ne peut que se réjouir des huées qui l'ont accueilli, lui et ses interprètes, au sortir de la projection du Festival de Cannes. Car si le sacrilège existe... Je crois qu'en voilà un exemple. Ce que l'on blasphème ici, c'est l'homme, le partage fraternel du pain et la notion même de fête. Ce que l'on sacralise, c'est l'excrément. Même le canard enchaîné, plutôt ouvert d'ordinaire, s'offusque à travers la critique de Michel Durand. Le film nous montre quatre connards qui ont décidé de bouffer jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors ils bouffent, comme des porcs, amènent des putains pour faire toutes les saloperies possibles. Quatre bons acteurs n'ont pas barguigné, pour leur coup de talent, à cette goinfrerie pleine de vent et de déjections en tout genre. Montrons-les du doigt, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni et Ugo Tognazzi, à qui il sera un peu pardonné pour son imitation de Marlon Brando dans Le Parrain. Mais ça ne dure que quelques minutes, alors que pendant deux heures, il faut regarder les quatre personnages se goinfrer, baver, éructer, vanter, se barfouiller de sauce et de crème. Sans oublier les saloperies dégueulasses avec ces dames. À l'inverse, d'autres s'enthousiasment pour l'œuvre de Marco Ferreri et la défendent avec vigueur. C'est le cas notamment lors du traditionnel débat télévisé des critiques. Je suis extrêmement fier, pour une fois, d'être français à Cannes. C'est archi rare. Et je suis heureux que M. Ferreri ait prêté son talent à la délégation, à la représentation française. Parce que je trouve que c'est peut-être le film qui donnera de ces années de la fin du XXe siècle l'image la plus exacte de ce que représentent les nations dites civilisées, les nations repues, les nations gavées, et qui est un spectacle répugnant. Par conséquent, au moment où on parle tellement de consommation, de pollution, etc., M. Ferreri a fait un film sur la consommation et sur la pollution, en montrant que les gens qui mangent, qui consomment et qui bouffent provoquent comme déchet la merde et que nous serons tués par la merde. Par conséquent, c'est un film magistral et parfaitement percutant. Puis c'est au tour des acteurs de monter au créneau. Ils ne sont pas venus pour rien et s'offusquent du procès d'intention qui s'abat sur le film. Les paix, on ne parle que des paix. Mais tout le monde pète. Quand on pète, oh là là, quelle horreur. Là, c'est pas un paix, c'est un bruit fantastique de paix, c'est autre chose. Hugo Tognazzi, et on dit aussi toujours que c'est un film sur l'horreur. C'est le contraire, c'est un film d'éveil. C'est un film pour se réveiller, pour voir comment on vit, comment certaines personnes vivent, et on peut vivre autrement. Et on parle aussi de vulgarité. Oui, ça, c'est... Et de sexe. C'est parce que les gens ont encore peur des choses, alors ils emploient des mots qui cache toute la vie. On met sexe pour surtout ne parler de rien, on met vulgarité pour ne parler de rien. Non, alors quand on a dit ces deux mots, c'est vulgaire, alors c'est le paravent. Alors que nous baignons dans la vulgarité, enfin je veux dire aussi bien à Cannes sur la Croisette que à la télévision française, que on vit dans la vulgarité. À parler de vulgarité à propos de ce film, c'était vraiment faire c'est une assez... erreur. Alors pourquoi c'est dans ce climat-là que je vais te poser c'est aussi un film d'amour, de tendresse. De tendresse et d'amitié. Ferreri aime ces quatre personnages. Mais je sais si on ne voit pas ça, c'est qu'on ne veut pas le voir, c'est clair. Les acteurs se mobilisent d'autant plus que le procès du film rejaillit sur eux. Ils l'auraient fait pour l'argent, honteusement. D'ailleurs, si les acteurs sont visés, c'est parce qu'ils sont devenus des éléments à part entière de la polémique. Pour la plupart, il s'agit de l'une de leurs plus belles prestations. Ils sont tous au sommet. Mais on ne comprend toujours pas comment ils ont pu accepter de tourner ce film dont on est persuadé qu'il va, au bout du compte, les desservir. Les critiques positives de La Grande Bouffe, elles, s'amusent à souligner le contexte de la projection cannoise. Et pour cause, ce que le film attaque, c'est justement ce faste, cette abondance portée à son comble lors de cet événement cannois. D'ailleurs, le producteur a, semble-t-il, bien prévu son effet, puisque le film sort dans les salles parisiennes dans la foulée de sa projection au festival. Le scandale s'abat sur la France entière. Les journalistes s'empressent d'aller recueillir les témoignages des spectateurs à la sortie du film, reflet de la division que provoque l'œuvre au cœur de la société française. Ah non, c'est dégoûtant. C'est une merde, comme le film l'indique d'ailleurs. Hein. Le film est vraiment une merde. Dégueulasse. Et vous, monsieur ? Dégueulasse, monsieur. Invraisemblable. Je trouve que c'est un film tout à fait intéressant et ce que je trouve aussi que ce soit un film français. C'est signé Ferreri, mais je crois que ça est une assez bonne image de ce que peut être la France à l'heure actuelle, d'une certaine façon. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que la façon dont les gens ont de manger, je crois que c'est aussi... ça représente la façon dont ils vivent à tout moment. Surtout qu'ils n'ont pas conscience quand ils vivent. Ils en ont conscience en voyant ici les autres manger, devenir des gros porcs et en crever finalement. La tension est à son comble et le scandale est à deux doigts de virer à l'affaire d'État. Francis Palmero, sénateur des Alpes-Maritimes, exhorte Maurice Druon, le ministre des Affaires culturelles, à agir. Des listes noires sont évoquées, une réglementation contre les fauteurs de troubles aussi. Le secrétaire d'État, Olivier Stirne, vient mettre un terme aux allégations. Il déclare « Ce film n'a bénéficié d'aucune aide sélective de l'État. L'ayant vu, je puis dire qu'il n'est pas représentatif de la culture française. Mais je pense qu'à réclamer la censure, on porte atteinte à la liberté d'expression et qu'à trop en parler, on fait à cette œuvre une publicité qu'elle ne mérite guère. » Réponse normande d'un élu normand. Le débat est clos. Le scandale cannois de La Grande Bouffe ne gagnera pas le terrain politique et juridique. En revanche, lors de la cérémonie de clôture, La Maman et la Putain remportent le grand prix. La Grande Bouffe remporte le prix Fipreski, prix de la critique ex aequo avec le film de Jean Eustache, ultime pied de nez. S'il en est un qui a réussi son coup, c'est bien Marco Ferreri. La Grande Bouffe sera le plus grand succès du réalisateur italien avec plus de 3 millions d'entrées en France. Quant à la provocation, le cinéaste italien ne s'arrêtera pas là, poussant toujours plus loin sa volonté de bousculer physiquement le spectateur, comme l'émasculation du personnage joué par Gérard Depardieu dans La Dernière Femme quelques années plus tard. Le temps de la grande bouffe est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celui de l'essor du cinéma italien qui la télé fera beaucoup de mal plus tard, jusqu'à un deuxième souffle poussé il y a quelques années par la vague Nos meilleures années, Romanzo criminale, Gomorra, Moretti, et par les œuvres d'un cinéma social très axé sur les dégâts de la crise économique et le drame humain de l'immigration clandestine que le sort des malheureux Boat People nous rappelle de façon récurrente. Dansez sur moi, dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, oh merde, ça y est. Dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Affaire sensible aujourd'hui, le scandale du film La Grande Bouffe, avec notre invité Jean Gilly. Bonjour, Jean Gilly. Bonjour, bonjour. Je rappelle que vous êtes critique et historien du cinéma italien. Vraiment, le cinéma italien n'a aucun secret pour vous. C'est assez saisissant d'entendre ça à la radio, c'est-à-dire de détacher le son de l'image qui donne un côté peut-être encore plus sulfureux. Bah, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Ferreri a travaillé autant sa bande-son que sa bande-image. Le film est tourné en son direct, il associe ses acteurs de deux nationalités, il les fait dialoguer. Au départ, il y avait les dialogues de Francis Blanche. En fait, il explique que finalement, ces dialogues ont été adaptés au moment du tournage, parce que précisément, ces quatre hommes qui sont là pour se suicider en abusant de toutes les ressources de ce que l'on peut manger, ces quatre hommes étaient en même temps des amis. En dehors même du plateau. Ils se fréquentaient, ils se connaissaient. Et donc, pour eux, ça a été une vacance, ça serait peut-être idiot, mais en tout cas, un grand moment de plénitude de tourner ce film. En plus, à la différence de la plupart des films, le film est tourné dans l'ordre. C'est-à-dire on n'a pas commencé, puis mélangé... On n'a pas commencé par le dessert. On n'a pas commencé par le dessert, effectivement. On a bien suivi l'ordre des plats, la progression dramatique, la mort des uns et des autres, et notamment les dégénérescences physiologiques qui se produisent au cours du film. Et alors, le plaisir que Ferreri, à l'évidence, éprouve à surprendre par ses flatulences, par ses bruits de paix qui reviennent constamment dans le film, et qui sont accompagnés par cette musique de Philippe Sard, interprétée le plus souvent par Michel Piccoli sur un piano désaccordé, donne une sorte, je dirais, de concert pour piano et flatulence. Et ça, je m'en suis rendu compte. J'ai revu le film, bien entendu, pour préparer cette intervention. Cette présence de la bande-son, quand elle est liée à l'image que l'on voit en même temps, on ne se rend pas compte à quel point elle a été élaborée. Et quand on l'entend seule, ça devient quelque chose d'une force étonnante. Une preuve du travail sur le son. Une preuve du travail sur le son. Jean-Pierre Rue, qui était un ingénieur du son tout à fait remarquable à l'époque, pour justement comme un des meilleurs spécialistes français dans ce domaine. Quoi. Alors, vous l'avez découvert ce film, j'imagine, quand il est sorti en 1973. Quelle a été votre réaction? Vous vous souvenez? Moi, je n'ai pas le souvenir et d'ailleurs, j'étais ravi d'entendre ces réactions aussi bien prises sur le vif à Cannes que dans des émissions postérieures. Il y a eu quelque chose d'ailleurs qui aujourd'hui surprend beaucoup. Aujourd'hui, on aurait de la peine à concevoir qu'un film puisse susciter une telle bataille, une sorte de bataille d'Hernani, entre les anciens et les modernes. Oui, alors que les enjeux sont pas énormes non plus. Les enjeux sont pas énormes et en même temps ils sont singulièrement d'actualité, quoi, sur la liberté d'expression, sur a-t-on le droit de tout dire ou non, oui, de tout montrer. De tout montrer, c'est quand même un sujet singulièrement d'actualité. La caricature de Reiser qui représente, qui servait d'affiche, aujourd'hui, elle fait penser à des caricatures qui nous sont familières. Donc le film, par ce côté-là, a gardé une très grande actualité. Et je pense que d'ailleurs, si on le ressortait en salle, il continuerait à susciter des réactions antagonistes. Oui, mais pourquoi? Pour ses formes, je puis dire, ce qu'on nous montre, ou pour la métaphore? Parce qu'on le rappelle, il ne s'agit pas de montrer que des gens qui mangent jusqu'à en mourir, ça n'aura aucun intérêt. La métaphore, c'est de représenter nos sociétés occidentales repu, hein, ce qu'Harrison dans l'épisode s'appelle les Piggies. Hein. Oui, bien sûr, c'est un film métaphorique, bien entendu. Ferreri se défend en parlant de film physiologique, mais enfin c'est plus un film métaphorique que physiologique. Et quant à, justement, qu'est-ce que ça représente? Ce dont il s'est très très bien défendu, Ferreri, c'est de dire, attention, ce n'est pas un film sur la décomposition de la société de consommation, parce qu'il disait, mais qu'est-ce que c'est qu'une société de consommation? Qui n'est pas dans la consommation? Où commence-t-elle cette société? Où finit-elle? C'est impossible de répondre à cette question. Donc pour lui, c'est une représentation de la société, la société occidentale, et pas la société de consommation qui finalement est très limitative. Donc c'est une espèce de tentative de raconter au travers de l'histoire de ces quatre hommes, en utilisant les voies de l'obscénité. Au début, vous avez dit que c'était un film qui était qualifié de génial ou d'obscène. Oui. Moi, je dirais qu'il est génialement obscène. Hein. Bon. Et que, dans le fond, Ferreri, à l'évidence, savait ce qui allait se produire, parce que Ferreri est quelqu'un qui manie la métaphore ou la litote et qui refuse toujours de répondre ou d'aller dans le sens de ce qu'on voudrait lui faire dire. Il répond toujours à côté de la plaque. Hein. C'était un grand principe. J'ai eu le plaisir d'ailleurs, vous me demandiez à l'époque qu'est-ce que je faisais. Ben à l'époque, en 73, je l'ai interviewé. Oui. Je l'ai interviewé à Paris dans les semaines qui ont suivi le festival. Et vous avez reconnu là ce qu'il a dit, là ce qu'on a entendu, c'est les propos qui vous tenaient aussi, j'imagine. Oui, absolument. C'était quelqu'un qui maniait, dans le fond, là, une espèce de volonté de vous prendre à contre-pied. Quoi. Alors, un autre élément important, c'est quand même la qualité des acteurs. C'est un casting exceptionnel. Hein. Que pensez-vous des acteurs? Parlons des acteurs, justement. Les quatre, là. Là, c'est à l'évidence un quatuor. Hein. Ouais. Ferreri a rassemblé ce qui peut se faire de mieux. Il a rassemblé aussi des acteurs avec lesquels, soit il a déjà travaillé, soit il va retravailler comme Noiret. Et il va se passer quelque chose d'assez surprenant, en ce sens que quand on a quatre acteurs de cette envergure, souvent dans un film de ce type, chacun essaie de voler un peu la vedette à l'autre. Hein, ils essaient un petit peu de se pousser pour apparaître. C'est quand Monica Vitti jouait avec le cardinal, elle tournait sur le plateau de telle sorte qu'elle pousse cardinal à être vu de dos et elle de face. Hein. Bon, là, ce n'est jamais le cas parce qu'on a vraiment le sentiment, et c'est confirmé d'ailleurs par des témoignages, qu'il existait sur le plateau une espèce de connivence. total. Ces quatre acteurs étaient arrivés là, dans cette petite maison qui se trouve d'ailleurs non loin de la maison de la radio, où il y a le tilleul de Boileau, qui est aussi un clin d'œil de Ferreri, qui a choisi ce représentant du bon goût, de la culture classique du XVIIe siècle, pour là, au contraire, la notion de bon goût, de mauvais goût, qui a été beaucoup évoquée à cette occasion, elle n'existe plus, quoi. On est au-delà, on est dans une liberté totale. Évidemment, on y entre ou on n'y entre pas. Alors, ces acteurs sont là, et à l'évidence, ont dû vivre, et les témoignages qu'on en a, quand Piccoli parle de ce qu'était ce tournage, on a l'impression qu'ils avaient le sentiment qu'ils se livraient à un exercice périlleux qui ne se reproduirait pas si souvent que cela dans leur carrière. Qu'ils avaient en face d'eux un metteur en scène génial, plein de fantaisie, d'invention, qui leur laissait d'ailleurs une certaine liberté dans le dialogue, la gestuelle, sans même leur expliquer psychologiquement le comportement des personnages, ça n'avait d'ailleurs aucune importance, on les mettait dans une certaine situation, le film avançait pratiquement tout seul, et il y avait pour accompagner ces quatre hommes, il y avait Andrea Ferréol, qui au passage avait dû prendre 20 kilos, avait dû grossir de 20 kilos pour le film, parce ouais. qu'elle c'est une femme qui n'est pas d'une minceur extrême, mais enfin, elle n'est pas comme ça, quoi. Donc elle avait dû grossir pour les besoins du film. Ferreri, d'ailleurs, lui avait dit, si tu veux le rôle, il faudra que tu grossisses. Donc ça veut dire que pour ces comédiens-là, c'était un enjeu professionnel important. C'était pas un amusement comme ça, il y avait vraiment quelque chose de fort artistiquement. Il y avait quelque chose de fort artistiquement, parce qu'en plus, il y avait cette connivence franco-italienne, cette connivence qui existait. Certains de ces acteurs avaient déjà joué en Italie, mais les acteurs français qui allaient jouer en Italie étaient systématiquement doublés, puisqu'en Italie, on ne tourne pas en son direct, on réenregistre, on post-synchronise. Alors qu'en France, on tourne en son direct. Et alors, il est évident que de rassembler ces acteurs, on a quelque chose qui fait penser un petit peu à ces marquis, à ces aristocrates qui se retiraient de la vie pour jouir plus du sexe, d'ailleurs, que de la bouffe dans les certains récits de Sade. On a d'ailleurs souvent évoqué Sade à propos de ce film. Et on a parfois remarqué que, d'une certaine manière, la grande bouffe anticipe sur Salo de Pasolini. Qui sera un autre scandale, un film. Qui sera un autre scandale deux ans plus tard. Qui va vraiment secouer. Oui, et avec des enjeux, je ne veux pas dire plus importants, mais plus ancrés dans l'histoire. Plus ancrés dans l'histoire. Récente. Alors, puisqu'on parle d'histoire et de politique par esprit d'escalier, Marco Ferreri était proche du Parti communiste italien. Ses films avaient fait l'objet d'attaques et de critiques de la société à cause de ses propres critiques sur la société. Mais alors lui, il disait, je ne fais pas un cinéma politique militant. On va l'écouter, justement. Qu'est-ce que veut dire cinéma politique ? Est-ce que La Grande Bouffe est un film politique, à votre avis ? La Grande Bouffe, c'est une histoire. Mon payé pour écrire cette histoire, j'ai écrit cette histoire et j'ai donné les manufactures, les produits à les producteurs. Pourquoi vous défendez-vous d'avoir fait autre chose que raconter une histoire ? Pourquoi c'est ça ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous pensez qu'un monsieur qui fait le metteur en scène, il est Jésus-Christ ? Ou il est Bouddha, ou il est Marx, ou il est Lénine, ou autre. Mais tu sais, c'est un travailleur qui prend de l'argent pour faire un travail, pour compter des histoires. Ah, voilà. Je suis en train d'écouter. Oui. Formidable exemple de la manière qu'a Ferreri de botter en touche, en quelque sorte. Effectivement. Et de refuser le qualificatif de politique. Ce en quoi, d'ailleurs, il a raison. Un film politique, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un regard sur la société. De toute façon, lui, c'est toujours défendu. Et moi, je fais des films. Donc, il y a un rapport entre le metteur en scène et le film. Et ensuite, il y aura un rapport entre le metteur en scène et le spectateur. Mais ce sont deux choses radicalement différentes. Et au moment où je fais un film, je ne pense qu'au film. Je ne pense pas au spectateur. Le spectateur, il recevra mon film, il en pensera ce qu'il voudra. C'est une autre question, c'est pas la mienne. Jean-Julie, on se retrouve dans 3 minutes, bien sûr, pour continuer cette conversation après avoir écouté Team Up d'Alcool et de Paysage. Plus les années défilent, moins je comprends les choses, moins je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi, et puis fané les roses. Des pensées qu'on croit sûres et d'autres s'y opposent. Alors je viens poser sur la tienne ma bouche. C'est la seule vérité, nos lèvres qui se touchent. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour me dissoudre d'alcool et de paysages. je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Alors, je vais vous poser une question, Jean Gilly, vous qui êtes une encyclopédie vivante du cinéma italien. Quelle était la santé du cinéma dans ces années-là, cinéma italien, dans les années 70, et quelle est sa santé aujourd'hui ? En fait, le cinéma italien, évidemment, dans les années 70, il est au cœur de son énorme succès. En 72, la Palme d'Or a été partagée entre Rosi et Petri. En 77, ce seront les Taviani. En 78, ce sera Olmi. C'est-à-dire, dans cette seule décennie, il y aura 4 Palmes d'Or pour le cinéma italien. Ce qui est quand même un record absolu égalé par aucune cinématographie. Donc, il est toujours très difficile, quand on a un tel épanouissement, de comparer. Mais ce dont il faudrait se défendre, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui, le cinéma italien n'est plus que l'ombre de lui-même. Vous avez cité au début de l'émission un certain nombre de cinéastes. Il faudrait quand même rappeler que Sorrentino a obtenu l'Oscar, et c'est pas par hasard, avec La Grande Bellezza l'année dernière aux États-Unis. Et que donc, dans le fond, la relève, certes, quand on a derrière soi une telle grandeur, on ne peut pas, quand il y a eu Goya, puisqu'on a... Ferreri a commencé à tourner en Espagne, donc on peut prendre une comparaison avec l'Espagne. Quand il y a eu Goya, évidemment, les autres peintres, sera difficile de faire la comparaison. Mais c'est pas parce que les autres peintres sont pas aussi bons que Goya qu'ils sont indifférents ou qu'ils sont à négliger. Donc il y a bien un deuxième souffle pour le cinéma italien depuis le début des années 2000. Il y a un deuxième souffle qui fait même que, dans le fond, quand on évoque le cinéma italien, je pense que quand on le perçoit comme indigne de son passé, ça procède d'une ignorance forte et d'un préjugé. Il y a un préjugé sur le cinéma italien vide de rente, c'est faux. Le cinéma italien ne se conjugue pas au passé, il se conjugue au présent avec de très grands artistes qui en ont, par exemple Moretti, vous l'avez cité, ou il y a même des cinéastes d'un certain âge qui continuent à faire des films remarquables, le meilleur exemple c'est Bellocchio. Donc aujourd'hui, le cinéma italien mérite toute l'attention qu'on doit à une grande cinématographie. Grazie, Jean Gilly. Prego. Va bene così. Merci beaucoup, Jean Gilly. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Grande Bouffe, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.